la ferme pendant ce temps-là? Ben, la ferme pendant ce temps-là, mais et puis les enfants avaient le travail, c'est tout. Les enfants aussi? Ah oui, tout le monde travaille. Parce qu'il y a 15 ans entre mon frère et moi. Et chacun avait son... Ah ben oui. Sa tâche, ou bien, c'était quand il y avait besoin, tout le monde a terminé. Tout le monde travaillait un peu. On gagnait. Quand Jean est venu à Saint-Gaud tout seul, donc moi j'étais seule avec mon frère à la maison, en rentrant à l'école, il me dit, il va ramasser l'herbe, le foin là-bas dans la pays Fenjibin, le tracteur, on est trop vite. Je venais juste mettre mes appareils de nouvelles dans ma bouche, un peu plus sur les pieds des marques. J'avais 16 ans. Mes premiers appareils, j'ai mis à 16 ans la bouche. Un peu plus sur les pieds des marques. Et vous aviez des vaches ou bien? Bah oui, je ne sais plus combien. Il y avait des vaches, des cochons, il y avait aussi. On écrémait le lait. Moi j'ai une crémeuse à la maison, tout ça aussi. Ouais. Il fait du beurre. Il fait du beurre. Et après, il mettait, quand le beurre était la crème était trop liquide pour travailler, on mettait ça dans le fond du puits pour refroidir. Après vous, vous ne faisiez pas ça? Si, si. Pour refroidir dans le puits. Dans le puits, oui. Oui. On tirait ça avec la côte en haut. Ça, oui. Et, ben oui, il n'y avait pas de frigo à l'époque. Il n'y avait rien. Et vous faisiez le beurre tous les combien de temps? En tous les semaines. Oui. Et le marchand passait le jeudi. Ah, il y avait un marchand qui passait. Oui, on mettait le beurre dedans, le peu de beurre. Meudec. Meudec, oui. Derrière. Oui. Et puis, si tu avais une poule, tu lui vendais ça aussi, ben, lampin, tout ce que tu veux. Quoi. Et d'où il venait, ce monsieur de... Quimper. Oui. On faisait le tour. C'était le jeudi. Oui. Après, le vendredi, on s'amusait avec autre chose. Là. Oui. Le vendredi, c'était les crêpes. Oui. Ah. Ou le poisson. Pas de poisson. Non, chez nous, c'était trop loin. 10 km de Briac. Oui. Les crêpes. Quand et... les tu. Les tu. Quand qui, les tu. Qui faisait les crêpes? Ma mère et moi. Ils sont. Oui. Avec deux billets. Puis ce que tu crois, tu dis, on travaille, quoi. Quel bois vous utilisez? Ben, de hêtre, je crois. De hêtre, oui. Jean, mon aîné, le frère, mon aîné, lui, il faisait ce que lui, quoi. Ah, oui. Le père n'avait pas le temps, il est tout le temps en train de... Pour la douce, il n'a pas le temps.